les passer, les démons de minuit. Mephisto au pied, portefeuille bien rempli, ils vont sans se presser, le front dégarni. Chercher des pilules bleues à la pharmacie d'un pas léger, le cœur. Et moi, déjà nos années. Ce soir, tout va changer.